sanda so kyoringi kai nora. Nora, l'amour n'a pas de frontières. Tuna adama sangare ye bisayo nora. Nora, je te connu à jamais. Tindela gamo kanda so kyoringi kai nora. L'amour c'est l'affaire du cœur. Nora, je te connu à jamais. Tine la nga mokanda, so que lingi gai Nora. Nora, je te connu à jamais. Tine la gamo kanda.